بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand le ciel se rompra, وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ et que les étoiles se disperseront, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ et que les mers confondront leurs eaux, وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ et que les tombeaux seront bouleversés, عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ Toute âme saura alors ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis de faire à plus tard. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble? Alladhi khalaqaka fa sawwaka fa 'adalak. Qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement. Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Non, malgré tout, vous traitez la rétribution de mensonge. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ Alors que veillent sur vous des gardiens. كِرَامًا كَاتِبِينَ De nobles scribes. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ Qui savent ce que vous faites. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ Les bons seront, certes, dans un jardin de délices. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ Et les libertins seront, certes, dans une fournaise. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ Où ils brûleront le jour de la rétribution. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ Incapables de s'en échapper. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ Et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ Encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme, et ce jour-là, le commandement sera à Allah.